jërëngeen jëf gaay yi mbég ci laay am la famille saa su ne surtout dimanche nga xam ne yéen a moome dimanche yéen a moome gaay di wax yéen a moome mais nag tey ci dimanche dafa am xibaar bu bees tàq boo xam ne mën nañ wax ne léegi la yegg si xam ngeen commissaire Boubacar Sadio commissaire Boubacar Sadio ngeen xam ne day faral ngi nekk à la retraite mais fi mu nekk nii day faral saa su ne di bind gaay tay partager len lu bare bare parce que yena wara ay wax ci rew mi da ngay ni wax ci rew mi hein parce que nak dafa am lu doy war lu kemaane lo xamne mi ngi am ci rew mi te ñepp mi ngi ne tek nopalew te nak mu nek lo xamne war nañ ci jël ay matuay parce que dafa mel dañuy ay ci rew mi legi ku wax waxon na len autant ñuy dem di dem lu bare bare di ngeen ko gis day feñ la famille. Moi, cette volonté manifeste d'être dans un état policier, c'est d'arrêter de la différence. Je vais vous dire que le commissaire Boubacar Sadio, je vais vous dire que le commissaire est 18h03. Je vais vous dire que le parce que xamna ko bu baakha bax dañuy échanger ci lu bare bare la famille koku ci bopam mom moma jox information je viens d'être appréhendé par les éléments de la DIC à l'instant même il faisait 18h27 manako quoi et pour quelle raison mon pour l'heure je ne sais pas je suis à la brigade des affaires générales au palais de justice manako vous y êtes toujours mon j'y suis toujours c'est par rapport à ma dernière lettre adressée à Macky Sall message yaangi ni mam ñom ñu jox ko mu jaaxal ma lool nak c'est grave très grave li nga xamné xew na ci réew mi dañuy ayé légui ku wax wala ku bind lettre de contribution wala wax sa xalaat ci réew mi li moy contribution bo leen ma joxé faux vert d'accord allez rek ma lire le lan la bindon ci contribution bi yeen rek lay xaar bo leen ma joxé légui contribution mo faux vert légui ma lire len lan la ki bin wax ci contribution légui tout de suite ayte la famille ma lire len intégralement limu bindoul ayte ñu dem ko le Sénégal est malade de la perversion des principes républicains et de la délinquance morale de ses dirigeants monsieur le président de la république dans une de mes lettres que je vous ai adressée je vais affirmer avec la plus grande conviction et sur la base de faits avérés que le Sénégal est dirigé actuellement par des voleurs impudents, des menteurs patentés, des insulteurs impertinents, incultes et arrogants, des formats impavibles, des trafiquants de drogue invétérés et des faussaires sans scrupules. Il faut ajouter à ce monde interlope des personnes peu recommandables dont la plupart sont très proches, les francs-maçons, les homosexuels que l'on retrouve dans les hautes sphères décisionnelles. Depuis, les différents événements survenus m'ont donné raison, n'ont fait que confirmer la justesse et la véracité de mes propos que vos chiens aboyeurs, vos répondeurs automatiques avaient vite fait de mettre sous le compte d'une animosité injustifiée à votre encore que nenni. Nous continuons. Monsieur le Président de la République, concernant les insultes qui sortent si régulièrement et si facilement de la gueule puante et nauséabonde de vos partisans, si elles ne sont pas proférées par les dirigeants eux-mêmes, elles sont le fait de tristes individus. Stipendiés, des prostituées, des mercenaires de la plume qui ont comme la principale mission de déverser leur amère bile et leur insanité langagière de caniveau sur vos contempteurs dont la plupart n'ont le tort que d'être de vrais patriotes qui jouent admirablement et en toute responsabilité leur rôle de vigie. Il est fort évident qu'en se prostituant de sorte vos insulteurs ne cherchent qu'à attirer votre attention pour un retour d'ascenseur. Malheureusement, il faut le constater objectivement pour le déplorer. Tristement, il y a des gens sans foi ni loi qui sont prêts à vendre leur âme au diable pour se faire des sous, se procurer certains avantages sociaux ou bénéficier d'une nomination en poste juteux. Il n'y a qu'à se référer aux gros poissons pêchés dans les eaux des parcelles assainies. Monsieur le Président de la République, quant au mensonge, il est aisé de constater par son ampleur, sa récurrence et sa fréquence qu'il constitue l'ADN de votre régime. Tout le monde s'y adonne et semble s'en délecter. Les gouvernants actuels mentent à longueur de journée sans se soucier de l'effet dévastateur de leur attitude et du mauvais exemple qu'ils offrent à la jeunesse. Je me garderai de revenir sur votre réponse quand vous aviez été interpellé sur votre contestation du ministre Ousmane Gom pour l'organisation des élections 2012. Le VAR des réseaux sociaux s'est immédiatement chargé de prouver que vos propos relevaient d'une flagrante et énorme contre-vérité. Vos dénégations ont été vigoureusement démenties. Il me plaît de rappeler, entre autres, le gros mensonge de l'ancien directeur général de la Sénélec, aujourd'hui ministre de l'Énergie, il avait présenté au peuple sénégalais un tableau plus que reluisant de la situation financière de la Sénélec. Malheureusement, il a été rattrapé dans son mensonge par la hausse brutale et inexplicable des tarifs de l'électricité. À tout prendre, on peut retenir que le mensonge est un élément paradigmatique de votre gouvernance, une gouvernance répulsive et répugnante parce que favorisant les pratiques les plus abjectes et les comportements les plus immoraux, toutes choses dont souffrent actuellement les Sénégalais. Je continue. Monsieur le Président de la République, quant à la faune immonde de faussaires de tout acquis qui pullule dans notre pays et dont la majorité, pour ne pas dire la totalité de votre régime, occupant pour certains des postes très stratégiques, il n'est que d'évoquer la ténébreuse et scabreuse affaire Petrotim. En effet, c'est vous-même qui aviez accordé par décret des autorisations de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures au Sir Franck Timis, un flibustier, un brigand, un prédateur de la pire espèce dont la très mauvaise réputation est de notoriété publique et internationale. Et sur le rapport de présentation du ministre Aliou Ndiaye, que vous vous êtes fondé pour signer les 10 décrets, il se trouve que le rapport de Aliou Ndiaye contenait des informations fausses, erronées, sciemment tronquées et volontairement falsifiées portant sur les capacités techniques et financières de la société Petrotim. Vous avez été informé de ce vice de fond et de cette vilaine et gravissime forfaiture par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui, dans votre mutisme inexplicable et votre silence assourdissant, a dû saisir les instances judiciaires, notamment le procureur de la République et administratif, les corps de contrôle pour qu'une enquête soit diligentée, afin d'apporter les clarifications nécessaires et éventuellement situer les responsabilités. Malheureusement, il a été observé de votre part une inaction troublante. Le ministre Aliou Ndiaye a été ainsi accusé publiquement de faux et usage de faux. Et jamais tous les deux n'avaient jugé nécessaire ni utile de prouver le contraire. Vous l'avez de tout soupçon, vous contentant d'une indifférence condescendante que l'on est en droit de considérer comme un mépris à l'endroit de vos compatriotes, du peuple dont vous n'êtes qu'un simple délégataire, et que dire du grand maître faussaire, le sieur Sédina Fall, alias tonton député, qui se trouve être un de vos turiféraires, mais surtout ami de votre jeune frère. Alloussa, Monsieur le Président de la République, je tiens là une belle et opportune transition pour évoquer cette affaire effarante, rocambolesque d'un faux décret portant sur l'honorariat dont vous devrez bénéficier la Diongama Aminata Tall pour ne pas la nommer. Je me garderai de reprendre les différentes analyses et autres argumentaires développés par d'éminents juristes, dont le sieur Sebanou Sougou, pour ces éclairages qui ont tous conclu qu'il y avait une grosse anomalie administrative et un vice de forme d'une gravité extrême. Personnellement, et certainement avec moi, beaucoup d'autres compatriotes, je constate et retiens qu'il y a 2 degrés au contenu différent, mais portant le même numéro, la même date, la même erreur sur une date de référence et surtout la même signature, la vôtre. Dans cette douloureuse affaire qui présente les allures d'un scandale d'État, il y va de votre crédibilité, de votre crédit personnel et de la valeur du contrat de confiance qui vous lie au peuple. Au-delà de votre simple personne, il y va aussi de la crédibilité de nos institutions qui ne doivent point être ni fragilisées ni discréditées. Aussi est-ce un impératif que tout soit clarifié au plus vite. La question qui taraude les populations, c'est pourquoi le procureur de la République, défenseur de la société des intérêts de l'État, ne s'est-il pas auto-saisi pour mener une enquête approfondie afin d'identifier le faussaire, ce qui, du reste, mettrait un terme aux spéculations et aux conjectures qui empestent le débat public. Il est du devoir du procureur de la République de faire en sorte que votre personnalité, votre honneur ainsi que votre crédibilité soient préservées hors d'atteinte de n'importe quel plaisantin à fortiori d'un vil faussaire. Toute autre option, notamment celle du silence méprisant et coupable auquel vous nous avez habitués, conforterait les Sénégalais dans leur légitime suspicion qu'une grave forfaiture constitutive d'une insécurité juridique dangereuse et inquiétante a été commise à la présidence de la République. Lettre bi na gudd na ma continue ba tay wala wax len rek ma continue de des na de ma continue. Monsieur le président de la République, par rapport à cette affaire qui présente les allures d'une contour, elle n'est que l'illustration de votre gouvernance sombre, tortueuse, vicieuse, calamiteuse, scabreuse, à la limite de l'indécence. Quant à la bénéficiaire de ces avantages élus, nous qui sommes très bien informés savons qu'elle a une ascendance réelle sur votre personne, devait toujours être à sa tête de tout son souffle-douleur. On peut compter le nombre de fois qu'elle s'est prise à vous en conseil des ministres alors que vous étiez le premier ministre. Je m'en arrête là pour m'imposer un minimum de discrétion et de retenue. Qu'est-ce que cette bonne dame a fait de plus et de mieux que certains de nos valeureux magistrats, de nos vaillants membres des forces de défense de sécurité, dont certains sont tombés sur le champ de l'honneur, de nos braves enseignants qui vous ont inculqué les connaissances et le savoir que vous permettent de trôner aujourd'hui à la tête de ce pays, et que dire de ces personnels de santé qui côtoient et affrontent quotidiennement la mort, et de ces techniciens de surface sans qui la vie serait invivable. Comme vous le voyez, cette grande dame charmante, il faut le reconnaître, n'a aucun mérite particulier. L'acte que vous avez posé relève tout simplement d'un favoritisme injuste, injustifié et de très mauvaise loi sur fond de violation flagrante de nos lois. Monsieur le Président de la République, le pays tout entier bruit du scandale relatif à l'occupation sauvage et illégale de notre littoral, et plus particulièrement dans la capitale. Nous assistons à un véritable banditisme foncier favorisé, encouragé, entretenu par certains fonctionnaires de l'État. Par les mesures que vous venez de prendre, vous semblez vouloir comprendre aux Sénégalais que vous n'étiez pas informés et que vous venez tout juste d'apprendre cette situation. Franchement, dangno yep. Vous prenez vos compatriotes comme des demeurés, des imbéciles écervelés, dépourvus de jugeote et de bon sens dont Blaise Pascal disait qu'elle est la chose la mieux partagée. Votre attitude ne nous surprend guère, c'est votre façon de faire malheureusement. Elle manque totalement de noblesse et de grandeur. Depuis 8 ans, vous passez sur la corniche et vous prétendez n'avoir rien vu. On vous le concède. Mais où sont les services de l'État censés vous informer de tout? Vos partisans ne clament-ils pas que vous êtes le Sénégalais le plus et le mieux informé? Le cas échéant vous a caché la situation qui prévaut sur le littoral. Non, nous n'y croyons pas. Vous êtes parfaitement au fait de tout ce qui se passe sur le littoral. Et vous avez fermé les yeux comme vous avez mis le coude sur tous les dossiers de délinquance financière impliquant vos partisans. N'avez-vous pas tout récemment déclaré que 90% des alertes que vous recevez concernent le foncier? C'est dire que vous étiez au courant de tout ce qui se passait sur le littoral. Avez-vous réellement octroyé 9 hectares en chef religieux qui, comme le scandale, les aurait vendus pour des milliards à des citoyens qui, paraît-il, sont en train de réclamer la possession et la jouissance? Le cas échéant, cela ne ferait que confirmer l'existence d'une mafia politico-religieuse qui se nourrit du sang du peuple et s'abreuve de sa sueur. Quand on vous cite dans un énorme scandale, à même de ternir votre image, de suer votre honneur et de gravement maculer les vilainies, votre dignité, vous ne devez pas vous taire. Vous devez laver la France, se taire et s'en remettre au bon Dieu, ne peut être perçu comme une posture de facilité teintée de lâcheté pour ne pas répondre de ses actes. Monsieur le Président de la République, c'est triste. malheureux et fort douloureux de le dire, mais il faut objectivement reconnaître que vous êtes un accident dans la noble map de l'histoire de notre pays. Vous n'aurez jamais dû être notre président, comme je n'ai eu de cesse de le dire, de le répéter, de le siriner à tout bout de champ. Vous n'avez ni la carrure, ni la compétence, encore moins le charisme. Les fonctions de président de la République sont imminentes, sérieuses et très lourdes à porter. Vos épaules sont certes larges, mais elles me paraissent d'une grande fragilité. Pour exercer les fonctions de président de la République, il faut de la compétence, il faut le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. À cela, il faut un credo fondé sur des principes axiologiques forts tels que l'honnêteté, la droiture, la sincérité, le sens de la justice, de l'équité et de l'égalité, le souci de toujours appliquer le droit, l'engagement ferme de mettre la patrie avant le parti et surtout la volonté de respecter la considération, l'empathie pour son peuple. Malheureusement, vous êtes déficient de plusieurs de ses vertus. Un président de la République ne met jamais son couteau sur le dossier compromettant et ne met jamais sous sa protection institutionnelle des délinquants financiers et fonciers. Monsieur le président de la République, je ne ferai jamais partie de ceux-là qui réclament votre démission pour défaillance et incompétence avérée. Une telle requête est contraire aux principes les plus élémentaires de la démocratie. On doit vous laisser terminer votre mandat conformément aux dispositions constitutionnelles. Par contre, les patriotes ne cesseront de s'investir pour dénoncer votre gouvernance calamiteuse, d'apporter leur participation dans l'entreprise patriotique d'éveiller des consciences de nos populations manipulées, exploitées à souhait, et depuis notre prétendue indépendance par une oligarchie politico-religieuse sans éthique, sans morale cupide et vorace. Il faut que dès à présent, les uns et les autres s'organisent pour mettre en place des structures organiques qui prendront en charge la mobilisation populaire et citoyenne pour imposer le changement systémique nécessaire, seule voie et unique condition pour permettre à notre peuple de retrouver sa véritable souveraineté. Encore une fois, reconnaissons à vos partenaires, partisans, courtisans, affidés, transhumants, adoublés et autres turiféraires le droit de vous considérer comme un génie politique, à la vision extraordinaire. Souffrez que je vous considère comme, je ne dirais pas le plus minable, mais le plus médiocre de nos présidents. Et pour davantage illustrer mon opinion que j'ai le droit d'exprimer, je convoque les propos de votre très proche et cher ami Souleymane Diop qui disait ceci: Macky Sall est un homme faible, veulent, incapable, sans caractère ni épaisseur intellectuelle, qui n'a même pas les capacités de diriger un GIE, voter Macky Sall, c'est lire Mariam Faïssal. La question qui taraude l'esprit de beaucoup de Sénégalais qui se régalaient de ces propos d'antan, c'est pourquoi ce monsieur est-il toujours dans vos bonnes grâces et continue à bénéficier de promotion de votre part. Il nous faut expliquer le pouvoir au peuple, les servitudes aux dirigeants. Terminus 2024, Boubacar Sadio. Ni de le bindu. On peut gagner un peu de li le bind li motax ñu wa dig jël ci ko li de le bind li de le bind motax wa dig jël ci ko man ngeen wote ci 88 628 18 18 ma bindal leen ko benen bi wa ma bindal legi ngeen am numéro yi man ngeen woté ci 88 628 18 18 bo nekké Dakar bo nekké bitum rew nak man nga woté ci li nga xamné modi waaw tay yéna momé waxna len tay yéna momé benen mbir mi magu Karim Abdou Karim Gueye waxna ñun wax nañ alerté nañ wax nañ alerté nañ wax nañ waxati bu nekké né sam xol mayu len ñu bayyi Abdou Karim Gueye mu ñibi kër sen xel na len may ngeen yobbu ko pavillon spécial Abdou Karim Gueye place am du prison parce que dafa febar te deg ngeen ki nga xamne mo nek Allemagne lam ñu wax fi to len beugé ma tégalat len ko lu mu wax lu leer la ci Abdou Garim Gueye dafa febar Dakar matin ñi nek Ibrahima Tambedou mi ngi nek ci Allemagne ñu yor ben association Ibrahima Tambedou bokkon na ci ñi nga xamne ñoo dalalon Karim fofu ngir fajj ko Ibrahima tay ji Karim mi ngi ci bir kasso bi yow yaangi alerté lan nga ñu mëna wax ci wër gu yaramu Karim Bap bap assalamu alaykum ma ngi nuyu ñi lay déglu ñëpp sa auditeur yi ci bi wa Sénégal yëpp kaw Karim wax deug yalla man bima déggé ni tej nañu ko affaire bi vraiment jappalon na ma té metti won na ma trop parce que Karim bi muy ñëw fi Allemagne man personnellement man mako fi andi document yi sama tour la ko top tobé rek di jënt yëpp ba nga xamantene yegs na fi bi muy ñëw buñ ko jëlé aéroport Karim tepp bu normal sax mënu ko won ci brancard lañ ko tek saxé ko yobbu ko andi ko hôpital fajj Sénégal malgré ko opéré won nañ ko mais liko dal sax xamnu ko won parce que liko diagnostic ak lepp fi lañ ko défé man nak wax deug yalla ci sama xam xam bu gatt bima déggé ni tek ñu ko affaire bi jaaxal na ma parce que nak ma médecine la jang donc xamna bu baax Karim aussi liko dal yorul fièvre bo xamantene won nañ ko jël diko tek kasso donc li nga xamantene rek lay ñaan moy ñi nga xamantene japp nañ ko té état bi nga xamantene ñoo ci ciitu nañ def seen kemt lay carte ci dim ko téla libérer parce que li nga xamantene mom la amé fièvre bi nga xamantene mom la souffrir secret médical permettre mo muy dugg ci ay détails ci fièvre jamm mais xamna né antoul ci tej nit kasso surtout na tej bo xamantene wax deug yalla bu amul ben extrême gravité bo xamantene wala urgence bo xamantene jamm ñu jël nit ci ko tej kasso donc ma ngi lancer ben alerte rek ci lancer di wolé président Macky Sall bi nga xamantene mo jiggi ak ministre de la justice ñu jema set nuñ ko ciekelé jema set nuñ ko bayé mu delu kërëm parce que état de santé permettre ko muy tegg ci ay kasso su féké tamit mënul ñak sax nuñ ko jël jobu ko pavillon spécial ba pénam jeex ñu bayiko mais je dis encore une fois et je répète état de santé bu Karim permettre ñu koy jël diko tegg kasso actuellement fi tollu ni voilà dégg ngeen permettre ki dañ topato Karim ba mu nekk Allemagne dafa fa ñent wër waxna nak dimanche yéna mom yéna mom ki tribune libre lañu def ku nek man nga woté wax li nga xamné modi sa xalat ci li nga xamné modi medi assan yaté ni ngi lay nuyu di la ziar bu baaxa baax ñu wax partager len ay ci may wax rek gaay na len Karim warul nek ci fi nga xamné modi kasso ñu dawal yermane tout ci réew nañu dawal yermane ci réew mi nañ dawal yermane ci réew mi wala lanen lañuy sét bok alik du nit kon ku jabet man nga door ci phobie yi bam ki bo duggé rek na man dama jabet mu génna la dem parce que nak li deug ba nek deug modi kuy waxal yalla te yalla tax amna fi ño xamne jabet motax ñu gënal len ci kasso motax ñu gënal len ci kasso bi jabet motax ñu gënal len ci kasso bi raison médicale lañ expliquer ek demoniya sax deg nana entendre nan la mais Karim amna xetu febar yo xamne mun ta nekkale kasso comme mun ta nekkale kasso ak febar yoyu comme mom bëgguñu ko libérer pavillon spécial bu nekk hôpital la dantek mo taxone mu djou kep ko am febar te bëgguñu la libérer numéro bi joxe nañ len ko 88 628 18 18 ku nekké né yaangi Dakar bo nekul Dakar nek extérieur sama mbokk diaspora wa comme ñom na tan yi nak xaramat toñ ba diaspora mais le seko bu genn kaf la moy manam comme dañ len confiné won ñu gëlé len jamono yi fu lek li xada ku nekk yaangi daw do tal dara lool c'est très important do tal dara di daw timit lool amna solo lool ci ñom motax may wax ne gaay nañu gëna gorgorru jappalé suñu mbokk yoy ñu ci dégg ci parce que ñom amna lo xamné dina len ko wax wa diaspora bi ni ñi rencontrer ni ñi leni door ci walu souf legui bala ma tok fi amna ko ma don wo ko may wax ci walu souf ci na dafa jënd xama commenté na wax manako jambar est ce lolu nga may ma rek appel comme tay ñom la ñu genn que check genn kaf lan len ko fi neew ñun ko fi neew ñu de ñun couvre fo la ñu couvre sommeil la sax 23h ba 6h du matin couvre sommeil la defal waaw allo allo allo wi allo papa allo ma nglay deg de taway no def wa ñi ngi sante bu baakha baax alhamdullilah félicité jerejeuf man la serigne bassir lo enseignant chercheur à la FASEC. OK enseignant chercheur FASEC wa FASEC wa waaw ñi nglay deglu bon je te suis régulièrement véritablement Sénégal mom il a un réel problème de démocratie parce que je pense que ni nit ki war na mëna exprimer ses opinions de façon directe mais lima jaxal sax moy ñu far ak président Macky Sall sax duñu saga ñu wax ñu lu leen la neex waaw lool lepp amna ci xamna ne dal xam nga nak peuple moy xéxal bopam moy xéxal bopam ay droit parce que tout dirigeant est tenté comme il faut actuellement dirigeant profite de peuple bi d'ouvrir à ce que ses droits soient respectés à chaque fois le dirigeant il est tenté de les bafouer c'est ça la réalité aussi ah je suis entièrement d'accord citoyenneté mom nit mokoy xéxal bopam très bien d'accord na yow légi nak limu tax ma gëna bëgg woti sax waaw moy parce que nous sommes toujours dans la contestation moi je voudrais également au-delà de la contestation que des débats de fond soient posés au sein des partis politiques au sein de la société civile et au sein également de tous les grands intellectuels de ce pays en fait ma demande luma jangal ci covid bi waaw parce que on est dans la recherche on publie des papiers mais je me suis rendu compte que même nos intellectuels surtout économistes en général ils ne comprennent même pas les réalités de leur économie ça c'est un peu alors que pour demain dans les pays développés waouh wow. Il y a une analyse de l'économie qui est dans les moindres détails comme exactement ce qui est quelles sont les politiques à adopter etc etc et nous donc d'après me pose même disons la problématique de notre système éducatif. Donc il faut une interprétation. Comme nous, en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, ce que nous avons un service à la communauté, surtout sur le plan économique, il faut que nous regardions comment nous devons connaître notre économie, comment nous devons payer notre économie, quel modèle nous devons adapter par rapport à nos réalités. Ak li xew ci suñu économie nga xamné tuba fi nekkon tay lolo koy gëna intéressé aussi ñun lolo di ñi intéressé ñu djublu ci lolo au lieu que ñu xalat États-Unis France l'économie mondiale etc c'est-à-dire que l'on essaie de comprendre d'abord ce qui se passe chez nous c'est extrêmement important très bien donc sur tous les plans c'est comme ça sur tous les plans c'est comme ça donc moi je voudrais véritablement que les débats de fond soient posés. D'accord, légui nak lolu mom xamna mom waxtan pour ñu permettre ñeneen ñu bëgg dugg timit dugg. Très bien. Voilà, merci beaucoup, jërëjëf. Merci beaucoup. Merci. Allô. Allô. Ok, le papa lé. Waaw, ya ñaan direct. Waaw, jërëjëf waay. Maa ngi woté depuis Houston. Houston. Première fois my water, oui, Houston, Texas. Première fois my water. Mais je vous pouvez voir avec, comme là, ça va voir ça, il y a un peu différent tout à ce que j'ai dit water. Parce que si vous voulez voir moi, les plus les critiques, les plus les critiques, il faut parler de les critiques, les plus les voir moi, vas-y, papa, allez, go, go, papa, allez. Mais il faut que nous comprenions un aspect qui est déjà sur le dos. Je suis le reste d'Afrique, d'Afrique Samy. Maintenant, je vous disais, tout le monde dit, c'est parce que un c'est bon pour le connaître mais encore deux où nous population parce que nous ici j'ai l'exemple Thomas Sankara vous savez c'est un footballeur bonjour Raiko population nous croise les bras c'est encore pendant 20 ans parce que les dons c'est ça qui nous mais je vais donner un exemple. Quoi? Sénégal, parce que l'histoire n'a fait plus de 20 ans, 40 ans, ça, il a 20 ans, 50 ans, depuis 20 ans. Mais je Sénégal a été déterminé où? En foule, en faible. Il a fait alternance en 2000. 2012. Je vais parler à Forte d'un candidat. Il a pas de gagner. Quand vous m'avez dit Sénégal, il y a une détermination. Non, non. Quand vous avez dit, il y a un bitimit. Quand vous avez dit, il y a un bitimit. Quand vous avez dit, il y a un bitimit. Hein? Vous avez dit, il y a une détermination. Lolo Amsolo. Allô? Malheureusement, il est parti. Allô? Allô? Ah, Coco, il est parti, Momit. Donc, il faut que nous bannions de timide crêpes sur nos Sénégalais. Une crêpe, sur nos papas. Allô? Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Alaikum salam. Nous les avons, Marie André. Ah, y a un direct. Ah, Songo, même ma Songo donne un live. Ah, il faut me demander après live Songo. Mais, voilà, il va passer. Niolen. Pourquoi va passer Niolen? Aïe, check. N'importe qui. Là, voilà les trucs. À ma taille, c'est la famille. C'est dimanche. Nous dernier dimanche. Ah, c'est bon alors. Oui, aïe, check. Wow, nous il est déjà bas. Nous les deux déjà bouger. Di ouahrek ne. Mangi tou. Abdou Karim di Massou mbok ñep quoi assez pap ale man mané ko so premier auditeur nga waaw di wax né activiste yi ak tamit ñi xex ngir seen rew té fété ben dama leen bëgg ñom bu féké ni bëgg nañu réussite ci seen xex xam nga yow kenn do la bolé ñom parce que ya ngi def journalisme mais di investiguer li ngay ligay diko feussal sénégalais ñoy gëna ci seen bëc ci seen doxali nu rew donc li leen mëna may réussite rek moy baña focaliser wu ci politique lool bu makoy wax nak benen côté bé tax parce que bo féké né yaangi xex ngir sa rew assiwu ngir parti ci parti politique sénégalais dinañ les juger par parti politique bobu nga assiwu moy opposition moy pouvoir li may wax nak deug ko du yomb ci ñen ni nak ci ne ay nu reda an kulli ay bin kalila mais man na la laj dara fofu waaw ma deglu la ah man de ñun de mbokk fi ku fi bokku parti am nga liberté parti politique parce que engagement dafa bari façon dafa am ño xamné ils sont engagés dans la citoyenneté ni engagé wu ci parti politique lolu mom lolu moy type d'engagement yi am ci démocratie lol taxul may wax sa mais li ma bëgg mo tax fofu deug bi fofu du yom xam nga lutax ko kon du yom na dang koy leral nit ñi waaw bo may wax ak ma ki ko dama bëgg fofu nit ki bu fekke ne yaangi engagé wu ci parti politique ba paré engagé wu wat ci xex citoyenneté muy opposition muy pouvoir muy opposition muy citoyen dañ lay jappé ni ku bok ci parti di xex donk bo beugé nek neutre xam nga amna ño xamantene neutre lañu ci réew mi manat dañu neutre comme yow tay yaangi xexé bokko ci ben parti ati séwo ci ben ci politique lotax sénégalais accepter sa xex bi di and ak yow amna kuy nek opposition and ak yow ci sa xex parce pour réewam dina am ku nek pouvoir it and ak yow ngir xex mais bu féké né yaangi nek fenen ben ci ati séw ci benen parti politique rek nit ñi dañ lay jappé ni opposant buy xex pouvoir parce que su boba xex bi exemple bi may joxé fe mujj rek moy ñi and tay ak Macky Sall gis nga Aziz Diop gis ñoom fenn bow gis ñoom ñoom mën nga lim ñu bari bari ñi ay journalist yi fa nekko tay dañu and dañu démé pouvoir ci lañu démé and ak Macky Sall fessunu won ci bañuy xex buñu fessaloon fañuy xex Sénégal du and duñu and ak ñoom ba ñoom ñuy dem pouvoir bañu bénéficier donc dañu bëgg ñoom ñu genn and ak nek citoyen sénégalais yi xex xex bi ñu bañ afficher ci benn parti su buba opposition yépp ak société civile yépp dañu and ak ñoom di xex Louis ñeriñu seen réew ma ngi jéggol bu baax jërëjëf jërëjëf merci beaucoup ci sa participation allô allô oui wa France gen wa France yeen xana dañ leen découvrir rek moy chaque wi gennu kaf mané dégg na ni toñi lu ñu daw daw way ci sall fa ay lay toñ leen ah dama gaay dañu gennu kaf mané dégg na la mang la nal lu ñu daw daw dañ lay sall dimanche mom sall na ko mi ñu na ñepp pa balé ñi ngi lay fay bu baax contana ci la famille merci beaucoup man timit contana ci yeen trop sax merci on a que ça merci franchement ñu lay remercier merci beaucoup jërëjëf dama amone ñaari wax yi ma bëgg wax parce que xamna nit ñangi rek ñogi ci lay mi bousculer kay voilà problème Karim ngir yalla ak yone ci bi Macky Sall lañu may jabot la xamna lan moy jabot Karim dafa fièvre yang koy yuxu yang koy wax tout temps nit ñang koy wax nañu dimbalé gir yalla mu génné Karim parce que Karim lu mu def mais c'est pour ñun ñep la té man sax li ma jaaxal li Karim wax le ëlëk sa mom loolu la def loolu exact loolu la def ah nga xamné gëm dafa for gëm dafa for Karim xéxalu bopam pour ñep la ba paré mané man dafa am luma metti sama réew dafa am luma metti sama biir xol mais am na ñuy xex pour Karim mais am na ñuy nelaw té buñu xey nañ ma bal ci réew nit ñi ak yalla néna mais ko xamné néna nañ ñu jog jul mais c'est pas méchant koku buñ ko téé ñepp lañu wara jog ñaan Macky Sall waxu ñu yaa Sénégal ñun ñoko mom waxu ñu kenn saga Sénégal ñun ñoko mom dañ ñoo yaa kéréssé ñu jog néko mu dé même dafa wax erreur mais balal ko nak dafa fébr génné ko mo frère dëkk dañ koy waxtaané gis na même sa kër boo bëggee mu neex dañ koy waxtaané te dañuy jéggale borom kër dana jéggale aawa ba dana jéggale kilifa day jéggale di jéggale Macky Sall voilà Macky Sall naka la pour te dire imagine ba léegi réeruñu waa man réeruma personnellement kër ba ngay taxaw ak Macky Sall ba kër bañ koy votalé gis na ba ngay joxe résultat ba nga jog taxaw mo ne oh Macky Sall gagné na tu vois mais image bo ba légui nga dox suñu mais Macky Sall ba légui ñun mënuñu ko xamé ya kofa bi dana fess pour te dire amna sax ben copain da may waxtaan ak ben man monsieur ba dama boy fogo ne dañ ko changer ci digënté bi wala ko wala palais ko changer nit exact soit dañ ko changer soit que voilà je ne comprends pas pour nama bal man jigen la jabor la soit que nous sommes psychologues parce que nous on comprend plus alors on doit voir parce que tu es psychologue dafa fièvre parce que amna ko xamne bo ci tollu position bo ci tollu da nga wara am psychologue parce que Macky Sall pour te dire que réseaux sociaux rek waral nako yé yow rek waral nga ko yé parce que lama nan né amna ay ministre yu koy jox conseil parce que bo amé conseil tout pap allé man say na le wiwi pap allé lepp li nga def rafet na nel kat madame Mendes bëgguma parce que mon ministre conseil mu fessal fofu mais amna conseil gratuit yeena nga fi yeena nga wax di matin au soir mo meun na len deglu meun na jël deug ci yeen ta dañ ñi wax ta li ñi wax moy dañuy dund ak askan bi di xam lan la askan bi di xalaat diko wax ñu koy defal gratuitement très bien parce que bu dé Macky Sall dafa bëgg deglu borom kat kat yi ñi yewoo ci registre nga xamne selecté mais na deglu ñi jay gënje ak table ak yeet ak tuppa me yeet yeenay gis ñun ñooñu ñooñu ñoo xam goomu Sénégal fan la ñu ne ku yew soobi sax seen Sénégal la ku yew def mbaxlu geej jam dox doomam ñu lekk mais Pape Allé koku dina acte pour wax ak mom mais borom kat bi tout temps tout est libre jërëjëf ma ñëmale fofu parce que xam naa nit ñaa ngi buuxam te tout merci beaucoup madame c'est normal tay yéen a ko moom li may wax rek rek merci Pape Allé merci beaucoup dimanche seen bés la jërëjëf merci à dimanche jërëjëf allô Allo. Allo, Pap. Wow. Allo. Manglais de l'Oziar, Bouer. Pap, manglais de l'Oziar, Bouer. Pap, manglais de l'Oziar, Bouer. Merci beaucoup, Djeredjef. Nous sommes tous les la famille. Ok, on est la famille. Donc, Pap, je vais vous dire, moi, pour am dara li nga xamné ni dang koy diggé koy ragal parce que chaque fois boy wax ci waxtan bi yaangi ci dama ay kilifa kaddu mam abdou kaddu seyou cheikh ñoo ñu ci nekk ay nit yi nga xamné ni dañu doon joxé bu rew mi tangé dañu doon am lo nga xamné ni suñu ba mayonal ko ñepp ñu tok ci tal ñu tok ñu bokk waxta parce que bo xoni papou ou ñu ñëpp ay sénégalais yi ñu xam woon am ci ñu digënté et rien n'est éternel ci tay moom mu nga xamné ni moom sénégalais ñu ñëpp dañu and ak moom ci dëkk ci Dakar bu jité won fook ni ni moom moom réew mi parce que sénégalais dafa am intelligence ñu ñi nga xamné dañu nekk ci biir réew mi ak ñi nga xamné tamit dañu nekk ci biti gis nga après récession fofu la ñuy xamné ni ban façon leader nga dafa dañu am ay priorité priorité moy suñu Sénégal Sénégal nak mu soxna mo ko dikko yi doomu adama ko fébaré ñu fajj leen doomu adama ko priorité taxam lu leen dañu ni nak moy fajj dañu wara doon taxir parce que ñun suñu réew buñ ko défarul du droit bi ñuy jëgé fa lañ ñu nañ ñu fay défaral ñepp ñu bokk suñu Sénégal yow la tay woné li ngay wax tok di bokk waxtan ku réew mi la aduna ci parce que ñu ay pap dafa comprendre pap bon ma fi démé non non sénégalais ga dëgg bokk sa réew yékk ku mu wara yékk ku mu yéw réew taxi mais non kessu lépp donc non la kula ci compte wala ku ñëw na lay dafa lay dafa lepp di la saga te mama do waxon nako man mi tamit tay fi ma ko ma saga ko ma aduna ma saga ko ma aduna mais dañu am nak suñu réew ñoko bokk chacun a un droit de faire son point de vue. Absolument. Mais qui n'a pas de faire ça? Mais nous avons fait ça pour le Kibir. Pour quelle raison? Sénégal n'a pas de faire ça. Nous avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. Djeredjef. C'est nous qui avons fait ça. Merci beaucoup, Djeredjef. Djeredjef. Amin, amin, amin, amin. Djeredjef, voilà. C'est vrai, réunis de mon... Aïe, tiens. Allô? Allô? Allô, il est grand-pop. Wow, nous nous demain? Santé, alors, Abdou depuis Canada. Abdou depuis? Depuis Canada. Canada! Oui. Alors, au Canada, nous sommes alhamdulillah. Sénégal, il y a même Ah, je n'ai pas vu. Quand Abou Karim, vous êtes comme moi, vous ouvrez, am jamu yaram, votre trafic de Allô, oh, Lindy. Allô? Allô, oui, am. N'est-ce qu'on Abou Karim, vous ouvrez le coup malin? Suite bi lañ déggul parce que Abou Karim Gueye dafa wër waaw mu fekkon dem bu am jamm waaw oh malheureusement la ligne est mauvaise ah allô allô allô salam alaykoum wa alaykoum salam waaw ñu lay nuyu bu baax di la ziar ah lay de lo ziar bu baax soxna sa waaw man la soxna marem fall soxna marem fall ah soxna man wa xarama nopp sa parce que ñangé na fall bi ñu xarama nopp ma ngi don togn arona sank de ci famille mu ñu bëgg sonal ciéb bi ciéb rek manako arona baal ciéb bu jambour bi ciéb bu plastique la dégg la baal ciéb bu jambour bu tay ci ciéb bi lañu yëndu mok sar mar mom dinañ ma ray rek ci sar arana toy kat la ci ciéb bi la yedd gis na muy gënë di passé rek manako yow mom lay yëndi sal ma ngi lay ziar bu baax def ci sa digey jërëjëf di wax na di xew Sénégal fu nekk ni kenn xamul kenn fa xam ban bor nga wara jëm rek c'est compliqué Abdou Karim nak man dama koy ñaanal jam ndax Abdou Karim sama ko dara yaayam sama bajjen la dafa deugar bop nak ndax ne won nako Sénégal dañ di jittal ci xéx luñ la fekk ci Seigne Babacar da nako wax neena man lan la jël la xéer wante buñ ko sañ luñ la fekk ci ndax Abdou Karim taw bamuy wax wa ñaar seen ye ko taxone di wax waaw et ci ëlëk sa acci sallu ubina jakk yek dumaay deug la biñ fi taxawale biñ fi jappé imam ndaw lolu dañ fay amul lu mu deful lolu ma xamna dara parce que da dañ jokk ak man guddé ak bëcc Karim Fay amul lu mu deful ñun turandom mo sante fay ñu borto ko Karim Fay amul lu Karim deful tay gis nga giso ben imam bu jokk wala kenn ku jokk ñew pour jappalé ko ci xéxam bobu muy xéx fi la fièvre ñu créer litre ba yobbu ko Allemagne mu delu ci ñoo mais buñu waré mëna né Karim dafa fièvre mais ana pavillon spécial waaw lu lay deug quoi man rew mi man vraiment ana pavillon spécial dañ yéni soxor la quoi bu gazel duñu ñu ni génné ko lan la def phobie entendre buñ ko sax sur le fond génné ko parce que dafa 6 mois ana ñi fa def 6 mois té kenn entendre dans le fond de leur dossier té ñu ngi ci calcul amna nak lo xamanteni li citoyen té ñoko mo koy xex kumam nday mo nek ci rew mi mais nak senegal lima bëgg wax moy sénégalais yi billahi lu leen dal sa bax na ci ñoom parce que ben ñak fayda yi yow ñu dila jox 2000 francs dila jox t-shirt dila jox 5000 francs di len niro la lay ay bax ta comme ay khartoum ngeen di dem nak ngeen di voter te yeen ci fi nek tay ji gis nga ko li xew ni ci denrée alimentaire bi 25000 francs bourse familiale tous les deux mois muy 12500 xam nga de Macky Sall mo yok pauvreté 12500 tay sama ko joxe sama xarit dem kasso bu ma ci genné ben gennu jël 4000 francs jënd legum dama am sax luma am des rêves ñu jël ciet bi waxuma do kay gaay gëna xawma naka xawma no waja tuba sax planète kebab xawma lan ñu jël ay milliards jox ko ko koku ma ngi ñew ci mo ñu jëta ñu ne jëta ji ñu ci ci cham ma ci cham ba may nek marché HLM yor sama place di gaay marché HLM ci cham fuu gaay lañ ko xamé waaw sar bi ci am fumu jele l'antidore diwlil fumu jele sachet mineral deug neex am lo xamni dina yex faaju ci dekk bi man lima jaaxal ñun europe gi ñu nek fi escandale gemé ko fi tuddu bu ñu lay def ni sax door nañu mise en examen étape nga démissioner mais escandale sur escandale dem ma ngi deg ndaysan après ki mbot kan ci syndicaliste bi syndicaliste Damboch. Damboch. Limi wax ci éducation nationale. Waaw. Damboch ñëwé ma may ko yeneen yu ma yor. Dami fokk ma dalal ko autour du micro. Fokk nga dalal ko té dam suñu ma may ko ci éducation nationale tax dama liggéey ci éducation nationale té yow mi amna luma la ci wone. Ko nga ni sama million gi fofu tegg. Jël sama bien hypothèque ko pour liggéey 2013 ba légui ñu sama fay ben non ñu di lo ping pong té ba may bolé bo mbokk ta nekkul ministre de l'éducation biñ fi mujjé ñew nekkul won ministre de l'éducation mais ba mu toggé taxul mu def ci dossier dara waye nak si c'est lu baax na ci mom ndax néna ko ba may ñew mante la jolie di campagne ma daan jindi sama xal dina jox yow ak samba koy té fay mën na lay wogo bañ ma wuy téléphone man bam nekké mante la jolie da masna fa dem ben visite bo xamna France ko organiser won ñun ak ay journalistes do man la dañ jëkënte pour photo ak man dama la né gis nga bimu ñëwé fi Macky Sall nek ci bur kéré dama tala gisé lan na ma wax dafa ni ma tasseur ela été nangam dafa ñu don jappalé Macky wono ko jox ko poste koku bañ ndax mu dul nek fi dans une banque pendant 20 ans mu di fi carrière ñen politiku mu ñëw dëkk Sénégal sama lañu jël def ko bis sama docteur mo daan togg mu ngi nekkon ci centre bi di garde xalé yi mom lañu jël def ko bis consul du bord manam dal ku bokku ci ñoom dal seddu ku bokku ci ñoom do seddu jërëjëf soxla ci ñu permettre ñeneen ñi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Merci beaucoup. Allô. Salam alaykoum. Malikoum salam. Monsieur Pabale, nanga def? Sante Yalla bu wër. Alhamdulillah, Yalla sante Yalla. Diop Mamadou Italie. Diop Mamadou no def? Ma sante Yalla bu wër kay. Alhamdulillah. Dila ñaanal rek. Yalla Yalla nangu. Yalla maynu ndam suñu combat bi wax deug Yalla. Amin amin amin. Ah parce que vraiment dañu am mbettel ci Macky Sall ni mu géré rew. Dañu war parce que mënuma comprendre ñu sonal ñu la xablay ba dañu xex ak mom ba ya ay nit dé ci duma 14 wala 15 personnes. Yep sénégalais né yow buma dég buma ñëw na tégué ma ci yoon gouvernement souveraine pertueuse yoy yep nga ñu digoon nga ñëw doxale ñu la neex. Vraiment ñi ngi koy ñaawlu et puis lima gëna metti ci ci réew mi ni mi doxé corruption bi nga xamné mo ancré réew mi légui waaw ñi ci lépp nak niveau de l'administration corruption bi bo démé ci justice partout il y a la corruption vraiment lolu aussi sénégalais war nañ taxaw xex ko mu jogé parce que lolu lolu la bëggoon mëna gaay est-ce que duñ def ben affaire légui bu ñuy def live sa giir mo am ben thème bu ñuy jël rek tek ko ku nekk wax ci xala. Voilà, voilà. Voilà, wax justice bi, wax ci économie, wax ci lu bëré bëri. Ku nekk wax sa xalaat. Ku ci am ay cas concret netaliko. Ñu xam réew mi fu mu toll. Parce que man nima gisé Macky Sall ak nimuy doxalé, il n'est pas prêt pour partir 2024. Jalon yi mi posé yépp. Man dal limay wax ci man la bu ko défé dina ma bét. Wama do ko def dé, wante bu len bokkuma. Dina ma bét trop. Ah, mais parce que Sénégalais ñoo ko may bimi processus électoral bi ni mu ko piégé ñu taxaw diko bayyi def lu ko neex da sa kene ci processus bu leer nañ gagné pourquoi mënu won continuer hein amélioré ko mu gëna baax mais dafa ñew yaxaat lepp président yi gis nga ko ñu waxati mu imposer nit ñi parrainage fofu nak la défé forfait bo xamanténi sénégalais ñoo sétan parce que paré na bu sénégalais waruñ ci wona d'accord non sénégalais d'accord non da wara forcing parce que fofu ñu dañuy def xam nga man da wara forcing daf ko def projet de loi yobbu ko assemblée nationale ba paré ñu voter ko sans débat ba paré jour buñ koy voter Dakar comme Irak comme guerre li ngay gis ay israéliens loolu ngoo bëri sénégalais d'accord ci majorité daf ko voter sans débat mom awa loolu bala muy am mu jël avion dem kërëm dem fele de kërëm la sax France dem France tok fofu di suivre à distance lepp kon kay lepp légui nak fofu la sénégalais waron kenn nak nek do fi amé comme lañ defone 23 juin. Mais nak amone manifestation de mais bobu xam nga timit manifestation il faut ñu organiser ko. Ah mais peuple bi gennu ñu quoi bu peuple bi gennu dar lañ ci mënu bu peuple bi gennu mais peuple bi gennu ñu kérok dañu sétan rek quelque ñu organiser ma ñoo genn ay ar ak ñoñu wax nañu mais peuple bi gennu ñu manam dirigeant jottone genn ñom dañu téy daf lañ ci ben ruk alors daf ñi def sen forfait am na ñoo xam na kay gennu sax yu sen muttu gar sax gennu ñu voilà nek bo koy wax da ngay dof. Voilà, moi je suis là, actuellement, avec Macky Sall, il faut une révolution. Macky Sall, il pose à l'aise, on a fait le quoi de mer. C'est pas que vous m'avez fait le mais Sénégalais, nous sommes là. Ok, merci beaucoup, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Voilà, merci, Djadjef. Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Waaw ma lay dégg dé waaw waaw grand mandé lima jangat ci affaire bi xam nga moy lan Abdou Karim bu amone papier nationalité libanais ba paré di def copier kono heure bi génné nañ ko prison lu leer la la wax té man dina ci dog dina ci tabu la jëfé min dé dal bu am jaru ci lé ndam mu génn mané dina jëfé min dé ah mais comme lolé ci ci dëkk bi bo fi nekké dergo wéñ gi xam nga wala ngay def ci yoy lu muy ñow du ko prison hmm ay ngeen dox ko la hmm la dañu ci ngay dal ci li ñu xam ci la ci nekk ci do muy créé ci environnement wala nek en Sénégal yow lañ té baye la faté la ko même bu féké da nga xew dayna war dé ah mais kon nañ ko wutal ay kay ay kay du libéré ba paré créer ko ben compte produit mo ba ñu libéré ko Abdou Karim da war nañ ko libéré nak non dañ ko wara libéré dañ ko wara libéré moy lolu ay jëgëlu ci fatima jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Allô. Allô. Wow. Salam alaikum grand papa. Ça va? Ma ngi ziar ba. Ma ngi delo ziar bu wer. Di rafetlu liguey bi. Jerejeuf, merci beaucoup. Man damay je vais être très bref ndax li ngay sacrifier ni manam ci walu jot ci walu investissement yépp waro ñu gëna bëgg dëkk bi. Dama ko gëm ndax am lo xamni mën nañ gis nga chaque mois wala chaque jour nga gënné dossier yi ñuy gis ñu on est plus averti que quiconque. Day am ben instant nak lekk li kay doxal moy nit ñepp jël sen responsabilité. Xamna dafa am lu ñu tam lo xamni man dafa ma suma ko déggé daf may rélo moy dañ na lay jitu ñong sa gannaaw man da kuma ko wax man la tapé nak wa man lool mom daf may def rélo quoi melne nit ki mo la gëna bëgg dëkk bi wala mo la gëna bëgg dëkk bi ci té ñi la koy wax sax ya lañu tané dé lu ci gëna doy waat moy ñi la koy wax so xolé xex bi ngay mëne ñom ñoo ci wara gis seen bop yow mi koy mëne ya lañu tané. Non, mais c'est moi, je trouve que c'est très dommage que, voilà, on passe en revue toutes les problématiques où ils sont avertis, mais les cadres viennent là, nous, je sais que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, mais avec Bidou Fofo, continue, pour moi, tu as une mission, tu dois t'investir dans une mission, moi, je sais que nous sommes là, tous avertis. Mais su fekke ben journaliste d'investigation moy tok di dajale ndax li man pour man forum société civile discussion yo xamni la tay ñun ñepp ñu wara am lu ñu wax ci dëkk bi ñoko waron def ben initiative ndax Sénégal lim fi yag investir ci éducation nit ñi même tout d'analphabétisme limu grawé tout mais xamnañ lu jaadul xamnañ lu teggu ci yoon ak lu teggu ci yoon. Donc à un moment donné, agissons en responsable et que wax bi fadul dara pour man. Lan nga gis comme solution? Bah comme solution, organisons-nous mieux. Xam nga tay peuple bu lum tudé di bu xam bopam rek wax deug yalla nguur normalement waru la ñëmé sax bay tek bien acte. Mais su fekké tay ben lo xamni concertation la lati les affaires de la cité tay yow ku ci nek yaangi xol ci sa privilège bop sa noflay bop ñino gaay da nañ ko gérer d'ici 2024 pap on aura les mêmes problématiques dara du jugé jeureuf donc duma gourdal c'était juste un petit résumé pour man ndax dama koy xol ci commentaire di ko li ci ñi revenir ñoo ngi sa gannaaw mais dañu bayyi ñoo ngi sa gannaaw tan ñu ñep nañu jëm taxaw ci kanam tuuti. Jërëjëf, merci beaucoup. Waaw, ci gaay dama na nek ku wax lolu mëna la nekkal sama wël rek ñu andal. Waaw, ma ngi jëgël wël. Jërëjëf, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, wa France, dañu jox participation. Ay ci. Allô. Allô. Allô, waaw, papa lañ. Waaw. Lén di ziar. Ngi délo ziar. Alhamdulillah. Man lén rek la bëggoon wax. Waye dama né peuple sénégalais la waxal. Dama né nit mano bëgg nga am li la neex. Waaw. Allô? Ma nglay dégg? Ya may dégg. Waaw. Dama né nit ki mano am lu naxari ba paré nga bëgg ko xex ba paré bëgg sa cër bu jël dula raw sa ataay dula raw loolu mënta nekk. Yoon al-maktou bako mom dé. Waay loolu mënul nekk. Serigne Cheikh wax nako serigne Cheikh motax ma da al-maktoum boga del wax ci bir ben waxtan bo amé lo naxari dang koy xex mu jeex mais bëgg am am lu la neexul ci sa réew ba paré sa ciéwu jëndu la raw loolu mënu nekk buñu sonal suñu bop sax loolu mënu nekk deug la jërëjëf lo rek jërëjëf al maktoum mo doon wax loolu mu né sénégalais bëgg xex ba paré bëgg ciéwu jëndam du ko raw né na fu fekk ciéwu jëm baye xex ba ñëw ci kiib loolu al maktoum moko doon wax allo allo Allo, Bab. Wow. Ça va, Espagne. Espagne. Espagne, il commence à voir football. Je vais vous dire, parce que je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a Parce que je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été Ah. Ça fait lol, beaucoup me disori parce que je me disori dans une xam kan. Parce que soyez way lañu, soyez way lañu. Ah dégg na ndar dal, dënd na ndar bi yépp ci lañu. Waaw, ko ko ci xamna ko, xamna ko. Soyez way lañu dañ ma jëm dama lay déggé. Mo waat la benen. Waaw. Nga yobale ko, dégg na tamit légui, légui ki gëna mëna produire mew. Wow. Ci trega ndar la la joge mo la mëna wax dal moy yow ci xam dama bari tollé dañu dellu dans les années 70 75 li dañ am Afrique centrale wow Afrique centrale légui mom mo am Sénégal quoi comme niñ dañ wax ki xaritu mëbutu lat ki xaritu boko ta yoy wow yoy mo am Sénégal légui Wow. Wow. Mais dama ne la ko mala passeport diplomatique gis nga fi étranger Afrique centrale wow ni passeport sénégal lañu yoré muy nigérien yek congolais yek ken xamul ni passeport sénégal lañu yoré hein ni passeport sénégal lañu yoré muy nigérien yek congolais yu Afrique centrale hein lol ben war de non sénégal ken xamul fu mu tollu dañ ko yak yaxé dañ ko yak gën na sénégalais yi liñu wara def moy gis nga man lima xalat moy ci le prochain élection yi ñuy wax dañ ko wara bayyi ah luñuy def kon luñuy def moy société civile bi na jox ñu tax constitution sénégal defara ko nang pouvoir yi ñu jox président de la république tank nangou ñuko sénégal du baax le véritable yaangi dogo wax nak lo xamna moy ali kaladji gis nga pouvoir yi ñu jox président mo bari lolu fuk ñu wax ci faut ay 2024 ak ay prochain mandat dañ ko wara bayyi bu élection yi jéxé bu mandat bi jéxé ñu ko tal jëre jëf non il faut une démocratie non il faut ñu xolat ko baaxa ñu defra constitution sénégal nangu pouvoir yi ñi jox président lolu moy normal lolu mom moy li ñu wara def ba affaire yeneen élection ñom ay mbeurum lamb lañ ñu dem entraîner bu fédération lutte bi defra lamb ci mbeur yi doga ñew ñu tegg combat ku gagne ñu jox le réew mi fekk nangu lañu ñu wara nangu ba pat dindi nañu pouvoir judiciaire bi ak dindi lepp ci mom bu nga xamni du mëna kenn dara Sénégal amul politicien Sénégal dafa amul politicien amul opposition Sénégal dafa am mom chasseur de prime mo fa am amul politicien merci beaucoup ñu lay sant di la gërëm dañuy former seen ay groupe rek pour bokk ci nguur gi wa des fois dañ ci dal rek dañ ci dal rek yaakaaru bool sax jeexna dañ ci dal rek ñu wolo rek am nga mbolo ñu bolé la ci c'est tout ah dégaade dañ ci dal rek man da lolou la am lu ci wax parce que ça veut temps yeb ma ngay woté pour mon nga jot mais mënuma fexé ba dugg mais ndar bo won da nga fexé ba lo fa yor nañ ko téré dég na jënd len sou sep ah dal bo dal bo da déla war dré ci délu ci wat sama gaay dal amna sama gaay fofu dal moy lolou dal ya wa kan ñu baye ñu éco bu boy dox lañ éco wax jëj ko. Merci beaucoup, Gra. Merci beaucoup. Ñu ngi lay sat du la gërëm bu baaxa baax. Jëna jëf. Ay ci gaay yéne bi yéne ngi wëy ba tay ji. Ay ci ñu wax rek. Allô. Salaam aleykum. Wa aleykum salaam. Man mi ma nga wul wax loko passeport bi. Nga né? Man ma nga wul wax wala xam nga yene gissal sen bop duma inventer dara yow ya mako waxo mala won dig la ko dig mo ko wola expliquer ñu legui legui dama bëgg yow nga expliquer dama bëgg bu bëgg ndax bu ko ñu xamé ma suma tañu jox lu ko privé lepp jox lu leer nañ bo waji legui legui xam nga la bëgg xaar mëna tuuti rek gaay xam nga dama leen dañ wax né amna ben bandé bu mag bo am bo xamné passeport diplomatique sénégalais lañ ko indi légui xam la la bëgg waaw yow yaangi ni Espagne waaw légui expliquer ñu waaw expliquer ñu affaire bobu nu mu démé pour sama famille la famille ngeen xam tay ngeen ni dégg dé ay ci fi ma nek Espagne dama dëkk ben way bo xam ci te espagnol milliardaire waaw day jaay béto armé espagnol milliardaire bu jaay béto armé waaw gis nga bu mëna la def wet té bon té ay facturam pay gazolam pay ay liguey katam waaw dina déssé au moins 8 millions d'euros li do ko bëgg résident ay résident 8 millions d'euros waaw koku la tok kërëm 31 décembre 2016 ngay na da nga tok ci kërëm koku waaw waaw man mako kërëm la dëkkul ndax biñu def biñu tabax la route colda zigenjor waaw man ma fi neugul ci côté am ndax ma yoro matériel ma yoro OK c'était la route MCA ils sont des les américains ils sont de Dakar Kolda waaw no Kolda Zigenjor gars yene ngi deg de ay ci continuer c'est société espagnole de Cayurco waaw biñu wax Costar Corbia waaw ñu ñoo gagné won ñoo ñu am place Madrid mais am ni succursale ci bima nek. Ni boole mak mom mu ñew Sénégal ba téré ko ñu andi liggéey après ma ñibi Espagne moy na yow dëkk ak mom waaw nga dem Espagne mëna nga ñew dëkk ak mom waaw waaw may liggéey ak mom waaw ba bëll jour ben colonel du gardien civil ñew tok kërëm moy colonel espagnol yi gardien waaw moy colonel comme gendarmerie. OK très bien ñu tollu wax espagnol mo ben pa bu ñu wax ito waaw ito waaw vamos ñu waxtan ñu waxtan waay ne beul ci demb la bi doomu Macky Sall jugge indil waay ci wax bu xamé derba passeport international diplomatique Sénégal ngene doomu kan président de la république waaw doomu Macky Sall beul ci demb la fi jugge indi passeport diplomatique waji wax Mohamed Derba waaw est ce que Mohamed Derba ni ngui koy tuddé nan lañ ko bindé Mohamed xam nga buñ leen joxé tour yoy gaay ma jox leen quelques astuces da ngeen ñu dugg ci net bi ngeen tapé Mohamed Derba ngeen xol lum leen ni jox gis nga am na ben restaurant bu nek Almadi bu ko mo touram waaw mom moko mom bamu julé wax ma restaurant du chez Katia waji dem na way xam nga dama len ko don wax na len amna kuma way na dugat way Mohamed Derba parce que daf ma wo fi ben jour dima kon gay ay ci len mën ngeen dug continuer parce que daf ma wo un jour fi dima ko wax manako lolu dafa doy wa allo dafa tak la très bien yéne lu soit ay ci nga né Mohamed Derba ci bobu restaurant wax ma tour restaurant bi graw le toro waaw l E-T-O-2-0-O. Non, on peut dire fofu. Dam fay rom T-O-T-O-R-O. Voilà. Mini Almaty. Wow. Ci tali bi. Wow. Bo dem mom moko mom. Kan moko mom? Mohamed Derba. Mo. OK. Mohamed Derba bobu lañ jox passeport diplomatique sénégalais. Wow, titre marocain. Atay duma tudd ci guddi te xawma lu bari ci mom. Tay mom dina ko lijeenti ba wonko. Nga ne kan mo koy ndil passeport diplomatique sénégalais? Do mo Macky Sall bu Macky. Ah, lu la. Mom mom la mo findi. Am lo xamni duma ko waxe ndax bëgg wax. Daf set na sama digi def na borom. Ci. Gaay, comme man ma ngi togn di live, duggu len xol Mohamed Derba bobu ngeen xol lo len xam ci mom ngeen balancer walé ko ci chaabi mu waxtan bi gëna neex. Non la. Amna benn boîte bu mag bu Papa Gadio. Boîte nak Mohamed Derba bobu moko mom. Wa Papa Gadio ñu bindé T A T A G O Y O. Boîte de nuit la, wala? Wa bu maga mag international. Fan la nekk? Muy nekk dekk bu ñu wax Terrible Tour. Las Americas. OK. Ñu ko bindé T A T A G A Y O Papa Gadio. OK. Lu ko ngol ko Terrible Tour Las Americas. Hé, ci way nopp daloti na tay dé. Ak lénen ak lénen lo xamni war na la ko tribé suma lo way suma na la ko inshallah. Non, xamna noy def. Yow suma paré légui. Suma paré légui légui légui légui légui tout de suite. Dina la wo. Inshallah. Bul coupé, bul coupé. Ma xol dina la wo. Suma la wowe nga mëna am sama WhatsApp. Après ñu mëna waxtaan bu baaxa baaxa baaxa baax. Zéro ci sa numéro bi. Dina la wo légui suma paré li. Inshallah. Très bien. Merci beaucoup. Jerejeuf. Merci. Jerejeuf. Tamam moy lima don wax xam na dama ko don wax rek waji ko wax waji ma wowon. Hein? Far dugg nak mom waxal ko bopam. Na mom dama la den deglu. Hein? Donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué hein, lim wax ni. Aïtien. Allô. Allô, Pap. Wow. Pap, ma ngi jamm. Ma ngi santi Yalla. Ba santu wer, yalla santi yag. Amin amin amin. Ba dama participer mais duma ya dou mais juste que amna ay confusion yuma jotor lebe. Ban ku jemon sous entente ni que effectivement comme amna ñuy libérer rek. Ça veut dire que yow tite baa pour ñu libérer aussi Karim. Non, en fait, il faut que gars xamni. J'ai pas compris li nga bëgg wax. Dama né amna kuma déglu. Waaw. Yégal lu waxam. Mhm. Né lu mu commencé, c'est ce que j'ai cru avoir compris. Né la ma bëgg léral ni que né wa continuer après ñu ko. Ni que en fait, on demande qu'on libère des enfin qu'on libère Karim. Puisqu'on a libéré d'autres. Non, non, non, non. On a dit que Karim souffre. Notre n'a pas compris. Hein? Notre n'a pas compris. Voilà, j'ai entendu quelqu'un. Bon, j'aurais dû réagir au moment, mais je ne pouvais pas entrer en ligne. Voilà, mon lot, nous nous donnons expliqué, il faut que le don tienne. Mais l'on peut nous comprendre aussi, pour nous dire qu'il faut nous ramener que la justice n'est pas bien rendue, elle devient une injustice. Donc déjà, il faut nous ramener quoi. Une justice, quand elle n'est pas rendue justement, elle devient une injustice. Parce que comme Amdaï, comme Amundaï, l'on est qui. Une justice qui est finalement injuste. Tout à fait. Donc, pour nous dire qu'il nous a ramené, bénéficier de nous si c'est une condition de santé, c'est totalement justifié et légitime. Il y a quelqu'un qui va nous bénéficier si il est dans les mêmes dans le même contexte, dans la même situation. Voilà, nous sommes là. Bon, vous ben point là. Deuxième vie, souvent dans les constitutions, moi c'est un problème. Mais constitution, c'est aussi une constitution. Nous même si c'est par notre assemblée. La constitution aujourd'hui du Sénégal est le concentré de notre mentalité finalement. Donc, non, problème, non, là je suis pas d'accord avec vous. Là, je suis pas d'accord avec vous. Oui. Parce que le référendum, ni quoi de fait, piège, mais qui vous le direz, 15 points, il y a un point, il y a d'accord aussi. Mais vous votez globalement, vous allez voter, vous allez voter. Comment vous le direz? Je ne dis pas, globalement, je vais terminer pour que vous continuez. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que les pouvoirs du président de la République sont exorbitants. Bien sûr. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que le Sénégal, sur le plan démocratique, bien sûr. Sur le plan démocratique, bien avant ce majeur, le Sénégal. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, à 15 jours du démarrage de la campagne présidentielle, seul le président Macky Sall savait qu'il sera candidat à cause du parrainage. Le piège là, vous ne défendez pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, comme vous dites, il y a des termes qui ont beaucoup utilisé, peuple, hein? Mais nous l'avons fait le référendum, il a dit, à mon petit point 4 ou 5, il faut respecter le droit à la souveraineté, affaire des ressources naturelles. De quoi les ressources naturelles, il m'a dit, c'est la campagne du référendum. Voilà, donc il faut qu'on soit plus dans ces termes. D'accord. Peut-être que c'est mal compris ou bien je me suis... Non, moi je suis très clair, je te comprends très bien. Bon, on va le condenser des Sénégalais, on a des Sénégalais. Bon, on dirait 15 points. Non, si on dirait 15 points pour nous voter, on a l'autre qui n'est pas, on a l'autre qui n'a pas dit. Nous n'avons pas le même nom. Référendum, nous n'avons pas le même. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, enfin, je peux peut-être continuer. Allez-y, n'y a pas de vie. Ce que je voulais dire que... ce n'est pas le problème de avant nous exercer la constitution, nous sommes élus pour nous prendre des décisions à notre place. Tu vois, faut le peuple nous puisse intervenir. Mais une fois que nous élus des gens pour juste, bon, je ne sais pas sur quels critères nous élus ces députés, une fois que nous élus, nous avons une capacité de lire un texte de loi, apprécier quoi. Hein, voter quoi pour l'intérêt du peuple, ça va poser un problème. On va se planter en autre. Je vais une question. Le piège est dans le scrutin. Oui. Moi, t'as un problème, la façon. Non, le scrutin, moi, il y a une constitution encore. On va tourner en rond parce que. Le problème fondamental que le Sénégal a. Président Macky Sall, émission, on n'a pas un problème de régime, on a un problème de mode de scrutin. Il y a une élection législative sans jeu. Il s'est conformé avec ce mode de scrutin pour avoir une majorité. C'est ça, il faut que les gens soient honnêtes. Ils sont venus pour rire. Ils sont venus. Est-ce que nous sommes à Dakar pour 10% de kétio législatif? 7 députés là. Bo rawé bo amé 33 voix raw ñeneen ñi am ay 30 yow nga jël 7 députés. C'est pas une bonne élection en France. Dimanche prochain ñi dem yow ya ngi voté France yéne ngi dem deuxième tour. Locali. Donc il faut que des fois ñu bëgn mais ñu permettre ñeneen ñi timit ñu dugg ci ligne bi aussi pour ñu bëgn monopoliser parce qu'il y a des précisions yo xamné fallait que ñu apporter. Voilà, d'accord, merci beaucoup. Okay. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Ouais. Parce que des fois, il faut que nous jetions tout le propre sur le peuple. Non. On a des textes, yo xamné. Nous sont taillés. D'amener un rôle, jurement, dans le président Macky Sall, 31 décembre 2011. Comment tu as dit ce qu'il y a? Parce que Benno Siguil Sénégal, il a prôné un régime parlementaire. Je pose une question, je suis d'accord avec ça. D'accord avec le régime parlementaire. Mais ce que je veux dire, c'est le mode de scrutin. Expliquez ça en détail. Technique, on fait plusieurs fois. Mais oui, comment se fait-il que Dakar a réuni un point jël les 7 députés lolou dañ ko wara xolat mo discuter voilà le piège mom bamu ñëwé fekk système bobu ñuko dañ xaar ci commission nationale de réforme des institutions mu changer lu mel nonu hein mu ñëw changer wul dara donc les sénégalais sont obligés référendum nga ñëw jël pogn yi la neex dugal 15 points ci 15 points amna yo xamné dina la neex amna yo xamné du la neex hein kon li nga xamné mo ci nek moy il faut ñu def ndank di dal ay dal bi dafa am solo modi mom bawi IP rek président Macky Sall bam ñëw ba lay ci démocratie bi ay piège la ci def. Le second mandat, c'était une obsession, c'était même pas un objectif, une obsession. Passer au premier tour, c'était une obsession. Moi, je suis allé à la maison. Dialogue national, c'est ce que je veux dire. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé premier mandat. Je suis c'est très simple. Moi, un, pour contrôler la justice, les Indinés, comment nommer ci cour yi magi muy cour d'appel cour suprême ñi nga xamne ño wara atté bu atté bi démé ba fofu ci instance yo wara atté yor élection wara mëna kum fa nommé 68 ans ngay démé retraite 65 ans lañu démé retraite justice mëna waye mom kumu nommé fofu 68 ans nga fa nek muy ni problème bu reuy bobu l'objectif c'était quoi c'était de contrôler ñi nga xamne ño fay nek parce que suñu baye bu ñi dem retraite dañu am antise du retraite yone yaane xaram dem djeblu ci président Macky Sall pour mu nommé ma ci cour yu mag yoy cour suprême cour d'appel union des magistrats du Sénégal dénoncé ko mais bobu en arrière pensée le président Macky Sall son objectif c'était de contrôler la justice mu contrôler justice bam neex xamné élection bu baakha baax mu jël fichier électoral depp ko num ko neexé jël carte d'identité depp ko num ko neexé élection législative ñew mu saboter lepp parce que élection législative mëno comprendre ñuy stocker matériel bi fi ci école de police kassor nek fi même pas à 10 minutes ma dem ko di voter fekkuma fa matériel électoral té mu dem ba fouta allô wa assalamu alaykum wa alaykum salam ahmed na def wa pap ale la tuddu way pap ale dama jël dal na ko wuy ma ana ahmed ay dara ngay wax ana ahmed wa ahmed ay dara man papa ala la tuddu nak seigne bi nak jawale quoi lu do nga bëgg baa yow timi nak sama cheikhou makala mais ma ko gëna jantal taw wa mané waw dama la bëggona jallale ben ki bu am importance bu fekke man na nek ci toujours muy jëm ci Macky Sall rek ben mèram bo xamné ci côté bi nga xamné bu ñëw faté muy ci région de Tamba ci département bu Koumpentoum ben commune buñ nane Koutiéba waw ben maire ko bu fa maire bi lu ko neex lay def mo ñun ñi nga xamne dañu nekk ci diaspora bi ma dem ba li jëtti ay partenaire yo xamne ñun comme dañu fat ci walu fat ci walu lepp di indi ay partenaire yo xamne europe lañu joggé chaque année indi ay ambulance di indal ay médecin jënd lepp lo xamne ni lu jëm ci walu centre la di ko may nit ñi allô ma nga lay dégg waaw wa legui lolou buma amé nak ci première année bi xamna ñuko jégué nako boy bi comme europe la nek te ci deuk di def li dem tay nangu sa place ci walu politique bi xamna lolou la def ci bokkum ren ma delu wat ak partenaire yi yobbu wat matériel ay éco lepp dem fofu nonu wara tabax ben centre polyvalent ko xamanteni au moins que gaay bañ xolé zone bobu yeb dañ ne ci il faut ko war nañ fay defal lu jëri askan bi quoi surtout xalé yi hmm maire bi mëna mukk lu ci dal wurna yalla bu may wax ak yow ni nena man bama ñëwé dama nako terrain bo xamné ci public bi la jëm du sama tour famille mais commune de Koutiéba gaay tabax centre bi xaar mi ngi téw mu ne jamais du ci dal amé ana bobu askan bi yéwo fofu askan bi quoi dégguluma la nam yalla bal bëgguma tay dar ci ci mais jang mustu tok ci ban peul mënta sax bindu kuram Macky Sall di leen jël di France mu na ma dem na France ñaari yoon ak bla bla yi kenn xamu ma dem ci préfet dem ci sous-préfet ak sous-préfet lañu wax moy maire yi walu suuf ñun ñoko yor ñun mënu ñu ci dara quoi da ngay jéma négocier ak mo très bien jeunesse bi commencé ñoo commencé takku ndank ndank di genn ba ndaye ba ci bir sous-préfet bi ci bopam dama la koy wax carrément duma ko neub mo ne ma saway man dama la koy wax ci sou ki adversaire la la jappé mais ñun lool mënuñ ci dara quoi xex ngay xex jeunesse bi rek mo la ci mëna jappalé xam bo dé bu sous-préfet di la wax lool moy né maire Mack Sall mo leen fal ñuy def lu leen neex quoi maire nak Mack Sall fal lu leen Non, je ne sais pas si vous avez fait ça. D'accord, mais moi, je suis maire à Péry. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Ah, merci beaucoup, mais pour généraliser. Vous avez fait ça, mais vous avez un problème. Oui, c'est ma première phase. Si vous avez fait l'émission, je me suis dit que c'est le jour où je suis venu en vacances, je suis venu à l'accoucher, je suis venu à l'ambulance. Ambulance bi daw bi ci ben deuk bu ñaan ko sarna teuy bu wacc dem tok ci bar di naan ci mbar di naan café sama xol bi dag mu ñu ci dara ma ñew mané il faut man ma def lo xamanteni ëlëk benen askan bu fa am dara dana am lu ko sauver hmm bama défé lolu ambulance mais da ngay gattal nak parce que xama yaangi wax say problème personnel da ngay gattal tuti parce que ñeneen ñi dañu bëgg lu askan bi lay wax quoi manam ñeneen ñoo xamanteni jaaral ko ci loxo ministère de la santé bon ambulance bi def na 2 ans bir port da buma ñëwé génné benen bi may ko benn poste santé ñëw diko topoto bu génné bobu dañ na ma jaay nañ ko kan mo la ko wax barke rosolay douane bu mol wit ah je sais pas comment yenn moy lan moy texte douane mais lolu dañ ko vérifier parce que nak douane des fois dañuy arrêter ay mbir jaay nañ ko lama wax ndax ambulance dafa yag mais ambulance bu fekkon man nako topoto graw dama ñëw dem ministère né len ambulance bi jox len ko poste santé bu ko soxla D'accord, merci beaucoup. Jerejef sa participation. Ñu lay sant le gërëm. Jerejef. Waaw, wax deug yalla ngeen baye xal all bi quoi. Inshallah, ah all bi kay ñi ngi wax. Xana yow yaangi dogu dugg ci all bi sax jur ni wax. Yow yaangi dogu dugg. Ay yow sa problème nga dugg pour exposer. Ay say. Ah d'accord, dem ci baye xel. Ma ngi jëtay information yi. Gaay sama gaay, la famille yeenuma Jerejef. Momit dañu gën ba yeen Libané la. Soupçonné d'avoir commis à Tenerife. Wow, une gigantesque escroquerie immobilière de 100 millions d'euros, 1 milliard de dirhams. Libané là, lolou ngén ma wax dé. Bon, buma joggé fi dina xol timit nan lay fexé ba xol yenn mbir yi. Donc kon gaay bon, xamna je pense qu'on va prendre les derniers appels s'il y en a bien sûr parce que gis na na gaay baw fi mi de lamentation la le dimanche ku nek da ngay ñew duggu wax li nga xamne modi bu doy wa koku dal suma paré légui grand luma ci wax yépp après laj ko laj kayidi mu joté kayidi légui ñu ñëwaat rek ah il est membre de la grande loge nationale de France franc-maçon là aussi Mohamed Demil Derba Ok, d'accord, les recherches commencent bien. Conseiller de beaucoup de présidents africains et libanais, hein? Waouh. Kon nak gaay kon xamna ñu tagato de hein. Ngeen Ousmane da rendez tay live dina ko na ko deglu xol mu wax ci live bi kon ñu tagato gaay ma lañi dig dajé inshallah mardi inshallah den jaajeufal bu baaxa baax nak ci participation bi neñ dé rek mass critique bi gëna yokk ñu jall sa way ma ngi dem dé allo Oui, allô, am alé. Yay dernier intervenant avec tay mom. Waaw. OK, je vous appelle depuis Portugal. Ah, depuis Portugal. Portugal, oui. OK. OK. Bon, juste man dama bëggone participer ci problème Shahir Mbeck. Waaw. Comme buñ ko génné aussi ki bi mu daf zéro mu daf commencé expliquer affaire yoy. Man damaay wax rek xeyna sa connect journaliste la lolu mais man inspirez-moi bien confiance, quoi. Inspirez-vous la confiance. Non, inspirez-moi bien confiance. Ah non, écoutez, c'est pas. Bailen du collègue journaliste là. Collègue journaliste là, d'accord, mais il y a un point de vue. Man, je ne serai pas là pour le défendre. Oui, parce que lu bari dafa xaw Sénégal quoi té gis nga ñu mu doxale té yow ya wax naan magi lim ñu jangal moy bu manam bu ëllëgé dina xam ñu ñuy tabaxé Sénégal dina xam ñu ñuy bolé ak ñu ñu doot bolé ah man j'ai été victime de lui wa man j'ai été victime de son lynchage médiatique miru Cheikh Omar Am li ci xew yépp mu dégg ko mom moko don def mais nit ki da ngay tollu way la taxaway la Ah, donc, Bon, moi, je ne suis pas là pour défendre personne. Sur le principe, c'est vrai. Demain, c'est que bon, qu'on place à garde à vue. Man, bon, ferme les yeux. Donc, l'infini que tu laisses médiatique, tu médias bien. Oui. Moi, quand je suis au orchestre, mais bon, là, la maman y était. Là, je me donne une idée. D'arrache. Ok, pour dire. Mon. Ah, ok, pour dire aussi du Sénégalais. Comme par exemple, Macky, vous me l'avez dit, quoi. Tout aussi, nous n'avons pas eu troisième mandat. Parce que le troisième mandat, vous voyez, c'est même la coignana, à Boba, il y a eu troisième candidature. Il y a eu quoi. Mais moi, je n'ai pas essayé, moi, j'ai essayé de briguer le troisième mandat. Mais nous n'avons pas eu Boba, Inch'Allah. Ok. Djeredjef, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Djeredjef. Djeredjef kon gaay ñu tagato deug na arana mom xamna eh yone na ma photo bi de photo waaji arama jema xol ndax dina ko meuna ki kon gaay kon ñu top gaay bobu mi ngi tuddu Mohamed Jamil Derba gaay ñoo ko wax le ñu ne jox nañ ko suñu passeport diplomatique sénégalais ok kon merci beaucoup les gars donc on se donne rendez-vous mardi inshallah hein pour mon tour voilà Voilà, Wajagini. Denle deno se espan. Senegale sunga nanne yone amko. Senegale sunga nanne yone amko. Nanne yone amko. Oh, my God, this is so good.